Une lecture pour Audiocité par Martine de L'Ingénu, un conte de Voltaire. Chapitre 18. Elle délivre son amant et un janséniste. Au point du jour, elle vole à Paris, munie de l'ordre du ministre. Il est difficile de peindre ce qui se passait dans son cœur pendant ce voyage. Qu'on imagine une âme vertueuse et noble, humiliée de son opprobre, enivrée de tendresse, déchirée des remords d'avoir trahi son amant, pénétrée du plaisir de délivrer ce qu'elle adore. Ses amertumes, ses combats, son succès partageaient toutes ses réflexions. Ce n'était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées. L'amour et le malheur l'avaient formée. Le sentiment avait fait autant de progrès en elle que la raison en avait fait dans l'esprit de son amant infortuné. Les filles apprennent à sentir plus aisément que les hommes n'apprennent à penser. Son aventure était plus instructive que 4 ans de couvent. Son habit était d'une simplicité extrême. Elle voyait avec horreur les ajustements sous lesquels elle avait paru devant son funeste bienfaiteur. Elle avait laissé ses boucles de diamants à sa compagne sans même les regarder. Confuse et charmée, idolâtre de l'ingénu et se haïssant elle-même, elle arrive enfin à la porte de cet affreux château, palais de la vengeance, qui renferma souvent le crime et l'innocence. Quand il fallut descendre du carrosse, les forces lui manquèrent, on l'aida. Elle entra, le cœur palpitant, les yeux humides, le front consterné. On la présente au gouverneur. Elle veut lui parler, sa voix expire. Elle montre son ordre en articulant à peine quelques paroles. Le gouverneur aimait son prisonnier. Il fut très aise de sa délivrance. Son cœur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers ses confrères, qui, ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes et vivant du malheur d'autrui, se faisaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés. Il fait venir le prisonnier dans son appartement. Les deux amants se voient et tous deux s'évanouissent. La belle Saint-Yves resta longtemps sans mouvement et sans vie. L'autre rappela bientôt son courage. « C'est apparemment là, madame, votre femme, » lui dit le gouverneur. « Vous ne m'aviez point dit que vous fussiez mariée. » « On me mande que c'est à ces soins généreux que vous devez votre délivrance. »« Ah, je ne suis pas digne d'être sa femme, » dit la belle Saint-Yves d'une voix tremblante. Et elle retomba encore en faiblesse. Quand elle eut repris ses sens, elle présenta, toujours tremblante, le brevet de la gratification et la promesse par écrit d'une compagnie. L'ingénu, aussi étonné qu'attendri, s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre. « Pourquoi ai-je été enfermé ici? Comment avez-vous pu m'en tirer? Où sont les monstres qui m'y ont plongé ?» Vous êtes une divinité qui descendait du ciel à mon secours. » La belle Saint-Yves baissait la vue, regardait son amant, rougissait et détournait le moment d'après ses yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle avait éprouvé, excepté ce qu'elle aurait voulu se cacher pour jamais et ce qu'un autre que l'ingénu, plus accoutumé au monde et plus instruit des usages de la cour, aurait deviné facilement. Est-ce possible qu'un misérable comme ce bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté? Ah, je vois bien qu'il en est des hommes comme des plus vils animaux. Tous peuvent nuire. Mais est-il possible qu'un moine, un jésuite confesseur du roi, ait contribué à mon infortune autant que ce bailli, sans que je puisse imaginer sous quel prétexte ce détestable fripon m'a persécuté? M'a-t-il fait passer pour un janséniste? Enfin, comment vous êtes-vous souvenu de moi? Je ne le méritais pas, je n'étais alors qu'un sauvage. Quoi? vous avez pu, sans conseil, sans secours, entreprendre le voyage de Versailles? Vous y avez paru, et on a brisé mes fers. Il est donc dans la beauté et dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les portes de fer et qui amollit les cœurs de bronze. » À ce mot de vertu, des sanglots échappèrent à la belle Saint-Yves. Elle ne savait pas combien elle était vertueuse dans le crime qu'elle se reprochait. Son amant continua ainsi. « Ange qui avait rompu mes liens, si vous avez eu, ce que je ne comprends pas encore, assez de crédit pour me faire rendre justice, faites-la donc rendre aussi à un vieillard qui m'a le premier appris à penser, comme vous m'avez appris à aimer. La calamité nous a unis. Je l'aime comme un père. Je ne peux vivre ni sans vous, ni sans lui. » Moi, que je sollicite le même homme qui... Oui, je veux tous vos devoirs, et je ne veux devoir jamais rien qu'à vous. Écrivez à cet homme puissant, comblez-moi de vos bienfaits. Achevez ce que vous avez commencé, achevez vos prodiges. Elle sentait qu'elle devait faire tout ce que son amant exigeait. Elle voulut écrire, sa main ne pouvait obéir. Elle recommença 3 fois sa lettre, la déchira 3 fois. Elle écrivit enfin, et les deux amants sortirent après avoir embrassé le vieux martyr de la grâce efficace. L'heureuse et désolée Saint-Yves savait dans quelle maison logeait son frère. Elle y alla. Son amant prit un appartement dans la même maison. À peine y furent-ils arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bonhomme Gordon et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain. Ainsi, à chaque action honnête et généreuse qu'elle faisait, son déshonneur en était le prix. Elle regardait avec exécration cet usage de vendre le malheur et le bonheur des hommes. Elle donna l'ordre de l'élargissement à son amant et refusa le rendez-vous d'un bienfaiteur qu'elle ne pouvait plus voir sans expirer de douleur et de honte. L'ingénue ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami. Il y vola. Il remplit ce devoir en réfléchissant sur les étranges événements de ce monde et en admirant la vertu courageuse d'une jeune fille à qui 2 infortunés devaient plus que la vie.